C'est le moment d'aller rejoindre Raymond Poirier qui est avec nous au studio. Bonjour Raymond. Bonjour Tania. Et aujourd'hui, on va mélanger les TI avec la culture. Exactement. On fait une conférence qu'on propose jeudi de cette semaine, jeudi le 13 février à 19h à la bibliothèque Gabriel Roy. C'est une conférence qui s'intitule « Dans une galaxie près de chez vous, regard sur la poésie numérique ». Donc, d'essayer de voir à travers le filtre des technologies mais quelles sont les formes qui ont été prises par la poésie. Et pour porter cette conférence, on a la collaboration d'une poète interdisciplinaire qui est bien connue ici à CKRL, qui est aussi doctorante en littérature, art de la scène et de l'écran à l'Université Laval. Elle s'appelle Hélène Matte et elle est avec nous au bout du fil. Bonjour. Salut bien. Et évidemment, on profite de cette occasion pour mettre un peu la table justement en route vers cette conférence. Et justement, Hélène, si on place un peu le terrain, est-ce qu'on peut dire que la poésie actuelle est un peu en plein éclatement avec des nouvelles formes, des nouvelles pratiques, des nouvelles approches, et que c'est un peu là-dedans que se développe ce qu'on peut appeler, ce qu'on peut présenter comme étant de la poésie numérique? En fait, si on y regarde de près, ça fait assez longtemps, là, dans le milieu du 20e siècle, la poésie a vraiment eu un éclatement, est allée, en dehors des lieux typiquement littéraires pour vraiment s'approprier des genres et des différents médiums. En regard du numérique, en fait, ça l'a amené du nouveau, mais aussi ça l'a exacerbé certaines tendances. Ce qu'on voit aussi par rapport au numérique, c'est qu'il n'y a pas seulement une définition de la poésie numérique, c'est que le numérique va permettre vraiment d'explorer différentes choses. Donc c'est l'utilisation du médium ou des outils technologiques qui fait le qualificatif numérique, c'est pas un genre poétique à proprement parler. Oui, ça c'est sûr qu'il faut faire attention. C'est vraiment, dans le fond, une lunette que j'ai utilisée pour analyser plusieurs propositions d'artistes et de poètes. Donc c'est pas vraiment une définition que je vais donner jeudi prochain, c'est vraiment plusieurs occurrences que la poésie, que le numérique peut amener en poésie plusieurs propositions là. Hélène, moi je me pose une question sur le titre de la conférence « Dans une galaxie près de chez vous, regard sur la poésie numérique ». La galaxie fait référence peut-être à quelque chose de très lointain. Est-ce qu'on a l'impression que la poésie, justement, peut être lointaine, mais aussi proche de nous? Oui, mais en fait, le titre fait référence à un ouvrage de Marshall McLuhan, « La galaxie Gutenberg ». Dans cet ouvrage-là, McLuhan, il explique que on est passé d'une poésie, mais en fait d'une culture générale qui était orale et tactile, avec l'arrivée de l'imprimerie, à une culture vraiment qui est basée sur le sens de la vue et qui est, finalement nous a fait passer d'un mode corporatif collectif, puisque la voix c'est quelque chose qui se partage collectivement, à un mode individualiste. Donc, une lecture silencieuse plongée dans chacun dans notre livre. Ce que McLuhan, suite à cette espèce de théorie-là, McLuhan, il dit, avec l'arrivée de l'électronique, on va revenir à une culture de l'oralité et tactile. Puis ce que nous fait voir la poésie numérique, en fait, c'est que peut-être que Marshall McLuhan n'avait pas tort. Lui, il appelait ça l'ère de l'électronique. Nous, on serait plutôt porté à appeler ça l'ère du numérique. Mais effectivement, on voit dans les propositions, en tout cas littéraires, le retour vraiment de l'oralité. L'oralité prend beaucoup de place. On peut même, puis si on va le voir jeudi, on touche les écrans, on peut faire bouger les lettres, on navigue dans des poèmes, c'est toute une autre dimension là que le numérique nous permet. Mais d'une certaine façon, en fait, si j'extrapole un peu, c'est presque un éclatement des interfaces, un éclatement de la relation entre le poète et son lecteur, dans la mesure où on peut aussi favoriser à travers ça, à travers les interfaces, à travers le numérique, une certaine interaction, dans le fond, entre le lecteur et l'objet, entre le lecteur et le poème. Donc, ce qui permet aussi, j'imagine, un nouveau type d'expérimentation, des nouvelles portes pour les créateurs. Oui, mais ça, c'est super intéressant parce que tout ce rapport-là, on peut appeler là, certaines poésies interfaciques, puis on va en voir beaucoup parce que le net, la relation à l'écran est vraiment important. Il n'y a pas que ça, par exemple. Le numérique permet aussi des propositions qui vont se faire en performance, en installation. Ça, je vais l'aborder un petit peu. Mais pour ce qui est de l'interaction, la fameuse interaction, ce qui est intéressant chez les poètes, en tout cas chez beaucoup de poètes, dont ceux auxquels je me suis intéressée, c'est qu'ils vont se jouer de l'interaction, mais aussi ils vont nous montrer les limites de cette interaction-là. C'est-à-dire que on peut dire aussi que parfois c'est un effet d'interaction là. Par exemple, en art de la scène, on va parler d'effet de présence. Mais on pourrait peut-être parler dans le cas des propositions interfaciques d'effet d'interaction. Puis ce qui est intéressant chez certains des poètes, c'est qu'ils vont comme à la limite de cette interaction là pour nous faire voir finalement qu'on est vraiment devant un écran, puis qu'on est vraiment devant une machine, un programme, qu'il y a beaucoup de choses programmées, puis que l'impression qu'on a d'interagir même avec le poète lui-même, ben, parfois il est un peu faussé. Et ça, c'est vraiment intéressant, puis c'est vraiment présent dans la poésie numérique, peut-être plus que dans d'autres genres qui vont plutôt utiliser l'effet sans le mettre de l'avant, sans faire une mise en abîme finalement de la proposition là. Et en même temps, tu parlais de machine tout à l'heure. Je fais référence à un article que je mentionne au passage d'ailleurs, que tu as publié dans une édition récente d'Inter, justement sur les questions de la poésie numérique. Et dans les exemples qui sont donnés dans l'article, notamment, tu mentionnes un ordinateur en fait qui a été programmé avec des algorithmes, donc une espèce de composition automatique de poésie, et donc qui nous renvoie aussi à d'autres types de questions, notamment à la notion même de création, à la notion d'auteur, etc., etc. Donc ça amène aussi d'autres types d'expériences. Oui, notamment avec ces genres de poésie-là qu'on peut dire des poésies génériques. Il y a la notion d'auteur, c'est la notion d'auteur qui est remise en question, à la fois parce que le programme de la machine prend beaucoup de place et décide un peu à la place de l'auteur, aussi parce que ce programme-là, parfois, c'est pas l'auteur qui l'a créé, donc on pourrait parler d'un double droit d'auteur sur l'œuvre. Mais ce qui arrive aussi, puis là, j'ai plusieurs exemples de ça, notamment, il y en a qui se sont faites au Québec dans les années 80, c'est que il va avoir une multiplicité d'auteurs. L'auteur solitaire là qui vide les tripes là, sur la page là, part complètement. On va plutôt... puis là, c'est un autre type d'interaction, mais on va vraiment travailler des textes en équipe. Les poèmes vont devenir carrément des projets. En fait, c'est vraiment une dimension intéressante. Et tout ça dans une continuité, en fait, tu le mentionnais tout à l'heure, il y a toujours une volonté d'expérimentation, une volonté de découvrir des nouvelles frontières dans l'art lyrique, dans l'art poétique. Et donc, dans le fond, il y a une continuité quand on observe un peu l'histoire de la pratique artistique qui se poursuit avec les outils actuels. Mais c'est dans la continuité des dernières centaines d'années là, d'exploration. Ah, c'est sûr, il y a beaucoup d'éléments, dans la poésie d'avant-garde, déjà au début du 20e siècle, mais peut-être celle qui a suivi la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu beaucoup d'expérimentations, donc déjà une utilisation de la machine, mais c'était pas les machines qu'on connaît aujourd'hui, mais ne serait-ce que l'utilisation de la dactylo, la machine à enregistrer, quand on a commencé à enregistrer la voix, ça a complètement transformé les pratiques de la poésie. Donc, tout ça, on le retrouve, mais peut-être expose en 10 avec les ordinateurs qu'on a aujourd'hui. Mais à ce moment-là, déjà, il y a beaucoup de procédés, moi j'appelle ça des stratégies que les artistes ont employées, qui sont encore présentes. Là, le copier-coller se fait à outrance maintenant, mais à une certaine époque, quand Jezing et William Burroughs sont arrivés avec le quota, puis il y avait quelque chose de révolutionnaire. Donc, tout ce qui est au niveau des poésies visuelles, sonores, déjà on avait les poésies concrètes là dans les années 50, c'est des pratiques qui se sont développées et puis qui avec l'arrivée du numérique vraiment explosent là, si je peux dire. Et Hélène, le numérique a aussi peut-être cette proximité qui est plus facile à avoir avec la poésie. On a aussi cette image de communauté de poètes ou du moins de gens qui se rassemblent. Est-ce que le numérique a aidé à rassembler certains poètes qui n'auraient peut-être pas pu le faire en dehors de cette technologie? Ah, c'est sûr que là, en faisant des recherches sur ce sujet-là, parce que moi, je m'intéressais en général aux poésies hors livre, mon truc, c'est plutôt la vocalité, là, quoi qu'aujourd'hui, ça paraît pas, là, parce que je perds la voix. Mais au départ, c'est vraiment la poésie hors livre qui m'intéressait. Ça m'a amené vers les poésies numériques, les pratiques par rapport au numérique. Et puis là, c'est foisonnant, en fait. Il y a vraiment des réseaux dont certains sont vraiment exclusivement sur le par exemple l'art sur ordinateur, sur les réseaux, des poésies vraiment de type interactive. Il y a même des festivals de e-poetry. Donc oui, il y a la création de réseaux. Et ce qui est vraiment drôle, entre autres, c'est que bon, je travaillais sur certains poètes, puis à un moment donné, j'ai envoyé un courriel collectif à trois d'entre eux. Puis quand ils m'ont retourné leur réponse, ils se sont salués parce qu'ils se connaissaient déjà, alors qu'il y en avait un en Australie, un aux États. Donc, c'est vraiment... c'est un réseau, effectivement. Puis en fait, il y en a plusieurs. Plusieurs réseaux, oui. Et c'est tous ces éléments-là, justement, qu'on va explorer jeudi avec force d'exemple également. Donc, qu'on va appréhender un peu un univers qu'on appelle poésie numérique, mais qu'on aurait pu aussi qualifier peut-être, j'imagine, de cyberpoésie, de e-poésie. J'ai vu à quelque part auditure et claviture, etc. Donc, on est un peu aussi en exercice de nomenclature face à ces pratiques-là. Ah oui, il y a beaucoup de termes, beaucoup de typologies qui se développent. Donc, on va essayer de se dépatouiller là, dans tout ça ensemble jeudi. Alors, on lance l'invitation. Donc, c'est jeudi 13 février. C'est à 19h. C'est à la bibliothèque Gabriel-Leroy, la salle Gérard-Martin au deuxième étage. C'est entrée libre. Alors, Hélène Matt, donc poète interdisciplinaire, doctorante en littérature, art de la scène et de l'écran à l'Université Laval. Merci d'avoir mis la table avec nous ce soir. Merci à vous. À jeudi. Et voilà, en fait, si les gens veulent avoir un peu plus d'informations sur l'activité, ben évidemment, ils peuvent aller faire un tour sur le site de l'Institut de technologie de l'information et société, l'ITIS, donc itis.ulaval.ca. Il y a également des petits rappels et un live tweet qui va se faire lors de la conférence sur le fil Twitter de l'ITIS, donc @itis, barre de soulignement, UL. Donc, on pourra discuter autour aussi de la thématique et peut-être poursuivre le débat un peu après la conférence. Sur le site de l'ITIS, on retrouve aussi les chroniques qu'on fait ici à CKRL. Raymond Poirier, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonne conférence jeudi. On se retrouve la semaine prochaine